Le lendemain matin, je guettais dans la rue le facteur qui devait apporter une lettre d'absence. Il me l'a remis, je l'empochai, jetant les autres dans la boîte de notre grille. Procédé trop simple pour ne pas en user toujours. Manquer la classe voulait dire, selon moi, que j'étais amoureux de Marthe. Je me trompais. Marthe ne m'était que le prétexte de cette école buissonnière. Et la preuve, c'est qu'après avoir goûté en compagnie de Marthe au charme de la liberté, je voulais y goûter seul, puis faire des adeptes. La liberté me devint vite une drogue. L'année scolaire touchait à sa fin, et je voyais avec terreur que ma paresse allait rester impunie, alors que je souhaitais le renvoi du collège. Les classes m'avaient toujours été un supplice. Marthe et la liberté avaient achevé de me les rendre intolérables. Pour le malheur de René, je lui avais trop bien fait partager mon vice. Aussi, lorsque, moins habile que moi, il m'annonça qu'il était renvoyé de Henri IV, je crus l'être moi-même. Il fallait l'apprendre à mon père, car il me saurait gré de le lui dire moi-même, avant la lettre du censeur, lettre trop grave à subtiliser. Nous étions un mercredi. Je revins chez nous un peu après l'heure où je savais que mon père avait coutume d'y être. Il savait, donc. Un de mes frères me dit de me rendre dans la chambre où mon père s'était étendu. Il se taisait. Ensuite, sans aucune colère, avec une voix même plus douce que de coutume, il me dit « Eh bien, que comptes-tu faire maintenant ? Ce que tu m'ordonneras de faire ? Non, ne mens pas encore. Je t'ai toujours laissé agir comme tu voulais. Continue. Sans doute, auras-tu à cœur de m'en faire repentir. » Ce que je voulais, c'était faire un travail, guère plus fatigant qu'une promenade, et qui laissa, comme elle à mon esprit, la liberté de ne pas se détacher de Marthe une minute. Je feignis de vouloir peindre et de n'avoir jamais osé le dire. Encore une fois, mon père ne dit pas non, à condition que je continuasse d'apprendre chez nous ce que j'aurais dû apprendre au collège, mais avec la liberté de peindre. Quand des liens ne sont pas encore solides, pour perdre quelqu'un de vue, il suffit de manquer une fois un rendez-vous. À force de penser à Marthe, j'y pensais de moins en moins. Lorsque quelque chose, venu de l'extérieur, m'obligeait à penser moins paresseusement à Marthe, j'y pensais sans amour, avec la mélancolie que l'on éprouve, pour ce qui aurait pu être. « Bah, me disais-je, c'était trop beau. On ne peut pas à la fois choisir le lit et coucher dedans. »